Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Les lunettes de l'avenir, une histoire écrite par Thomas. En attendant que sa mère termine son travail, Gauthier passe l'après-midi chez son papy. Vous connaissez sûrement Gauthier. Mais si, un garçon avec un corps trop grand pour lui, tout maigrichon et un brin réservé. Tout le monde connaît quelqu'un comme Gauthier. Tout comme tout le monde connaît quelqu'un comme sa sœur, Justine, aussi taquine que sportive. En tout cas, plus sportive que Gauthier, ce qui n'est pas bien difficile. Par contre, ce qui est moins sûr, c'est que vous connaissiez quelqu'un qui ressemble à leur grand-père, Papy Surprise. Il se fait appeler ainsi car il passe son temps à faire des blagues, des farces et toutes sortes de canulars plus déjantés les uns que les autres. Si Justine adore les pitreries de son pépé, ce n'est pas forcément le cas de Gauthier. Vite apeuré et sursautant à la moindre occasion, le garçon préfère le calme et la tranquillité. Et ça tombe bien, car c'est exactement ce que lui offre le grenier de Papy Surprise. L'immense pièce, véritable congélateur en hiver et vrai four à pizza en été, est recouverte de poussière. Mais surtout, et c'est ce que Gauthier aime par-dessus tout, elle est remplie d'objets étranges. Des bidules si anciens que Gauthier est incapable de leur donner un âge. Des machins trop biscornus pour qu'on devine leur usage. Des trucs tellement bizarres qu'on se demande s'ils ne viennent pas d'une autre planète. Depuis qu'il s'est crapahuté, Gauthier monte ici. Et toutes les semaines, il découvre de nouvelles vieilleries. Comme cette grosse malle en cuir cachée sous un drap et fermée par un cadenas massif. Un cadenas si rongé par la rouille qu'il s'évanouit en poussière rousse dès que le garçon le touche. En sa qualité d'archéologue des débarras, Gauthier se doit d'inspecter le contenu de sa trouvaille. Il y a peut-être un trésor là-dedans, ou alors un jouet incroyablement fou, ou peut-être un animal qui parle et qui deviendra mon meilleur ami. Avec la méfiance qui le caractérise, le garçon soulève le couvercle et tombe sur un tas de briques et de brocs aussi anciens qu'inutiles. Comme par hasard. Sous ses yeux, entassés pêle-mêle, des stylos vides côtoient des cahiers déchirés. Des tasses émaillées accueillent des pinces à linge cassées. Des photos blanchies par le temps recouvrent même une vieille paire de lunettes, des binocles toutes tordues aux carreaux couverts de crasse. Curieux de voir à quoi il ressemblerait avec ses antiquités sur le nez, Gauthier se plante devant le miroir fêlé entreposé derrière lui et les enfile. C'est ce moment que choisit sa sœur pour surgir. Surpris, Gauthier ôte précipitamment les lorgnons pour échapper aux moqueries de Justine. Mais quand il relève la tête, elle a disparu, comme si elle n'était jamais entrée. Étonnant, vous ne trouvez pas? Du moins, c'est ce que pense Gauthier. Mais le garçon n'a pas le temps d'y réfléchir davantage. Justine bondit à nouveau dans la pièce. « Allez, morveux, dépêche-toi, maman est là !» Sa sœur n'attend pas sa réponse et redescend les escaliers en trombe. Gauthier a les sourcils si froncés qu'il se touche presque. Il fourre les lunettes dans sa poche et s'en va. Dans sa chambre, son pyjama déjà enfilé, prêt à aller se coucher, Gauthier veut élucider le mystère de tout à l'heure. Il reprend les bizarres binocles, les passe autour de ses oreilles et observe la rue en bas de chez lui. Le défilé des voitures, toutes plus ou moins pareilles, lui fait penser aux chorégraphies des fourmis. Soudain, un véhicule jaune pétant se glisse dans la ribambelle d'automobile. Pour y voir plus clair, Gauthier enlève les lunettes. Mais la voiture de collection a disparu. Le garçon a beau chercher, aucune trace du bolide à l'horizon. « Mais c'est pas possible! Je suis en train de devenir zinzin ou quoi ?» Il va vers son lit, inquiet, quand un bruit tonitruant secoue la nuit. Il se retourne et voit la berline jaune étincelée sous la lumière des lampadaires. Gauthier reporte son attention sur sa découverte de la journée. « Et si ces lunettes me permettaient de prédire l'avenir ?» Impossible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pourtant avec cette idée délirante que Gauthier s'endort ce soir-là. Durant la récréation du lendemain, le garçon est seul, comme bien souvent. Il sait que sa timidité est un frein à l'amitié. Mais aujourd'hui, autre chose le préoccupe. Et oui, les lunettes, bien sûr. Il repense à ce qui s'est passé la veille quand un élève de CM2 vient le voir. Gauthier, c'est ça? Ouais, c'est mon prénom. Ok, cool. Notre Gaul est malade. Ça te dirait de le remplacer? C'est-à-dire que... Cool, allez, viens! Sur le terrain de foot, Tous les regards sont tournés vers lui. Gauthier n'a pas le courage de refuser. La partie débute et très vite, Gauthier s'annonce être le pire gardien qu'une école primaire ait connu. Il a peur de la balle, il se cogne contre les poteaux et quand il veut sauter, son corps se contente de trébucher. Avec un score de 1 à 14, les joueurs de son équipe commencent à lui envoyer des regards noirs. Gauthier, essaye d'anticiper, s'il te plaît, on se fait laminer. Anticiper, il est marrant, lui, s'il croit que c'est si facile de prévoir où part le ballon. À moins que... Gauthier tâte sa poche et y sent les lunettes. Il les pose sur son nez et observe le terrain. Un garçon arrive vers lui, balle au pied. Il feinte à gauche, mais tire à droite. Gauthier jette un œil par-dessus la monture. Son adversaire vient tout juste de s'emparer de la balle. Il s'approche du but et feinte à gauche. Bien sûr, Gauthier ne se laisse pas berner et saute à droite. Du bout des doigts, il écarte la frappe. Ses coéquipiers n'en reviennent pas. Lui non plus. Le restant de la partie se déroule comme sur des roulettes. Gauthier multiplie les arrêts et le match se termine sur un score de 15 à 14 pour son équipe. La nouvelle star des buts est portée en triomphe. Même Clémence, la fille à laquelle il n'a jamais osé déclarer sa flamme, le regarde avec des étoiles dans les yeux. Pour Gauthier, c'est décidé, ses lunettes ne vont plus jamais le quitter. Comme vous pouvez l'imaginer, en quelques semaines, son quotidien change du tout au tout. Il connaît les réponses à toutes les questions de la maîtresse, il évite les maladresses et surtout, il ne se laisse plus surprendre par Justine et ses farces grotesques. Tout est si simple que Gauthier a la sensation d'être dorloté par une vie rêvée. Mais après les semaines, ce sont les mois qui s'enchaînent. Et bizarrement, au bout d'un moment, la bonne humeur de Gauthier disparaît comme par enchantement. Il n'arrive pas à mettre un mot sur ce qu'il ressent. Il a le sentiment que tout est trop ennuyeux. Petit à petit, le garçon devient maussade et bougon, ce qui inquiète sa mère. Un jour, tandis qu'elle le dépose chez son grand-père, elle se confie au vieil homme. « Ah, tu vas voir, je sais pas ce qu'il a, mais j'ai l'impression qu'il a plus goût à rien. Son état me fait penser au tien quand t'étais si triste il y a quelques années. Tu pourrais peut-être lui parler. » « Te bile pas, ma fille, je vais lui remonter le moral. » Gauthier sort de la voiture et passe devant son grand-père. Papy surprise a beau porter des lunettes aussi épaisses qu'un annuaire, il ne manque pas de remarquer celles que Gauthier cache dans sa poche. Aussitôt, le vieillard comprend de quoi il s'agit. « Hep là, mon garçon, où tu vas comme ça ?»« Bah, comme d'habitude, au grenier. »« Pas cette fois. Aujourd'hui, on a un programme bien trop chargé pour que tu rêvasses parmi mon bazar. Direction la fête foraine. » Papy surprise ne lui laisse pas le choix. Gauthier monte alors dans le taco bariolé. À peine arrivé, son grand-père le traîne jusqu'à un stand tenu par un homme à la moustache monumentale. « Tu vas voir, c'est très simple. Le monsieur ici présent va cacher une bille sous l'un de ses trois gobelets. » Il va les mélanger plein de fois et ensuite, tu vas devoir deviner où est la bille, d'accord ? Ouais, si tu veux. Le moustachu commence à intervertir les gobelets, de plus en plus vite. Gauthier tente de suivre celui qui l'intéresse, mais l'homme accélère encore. Par réflexe, le garçon plonge sa main dans la poche où se trouvent les lunettes. Aussi vif que l'éclair, son grand-père lui ôte son manteau. Il fait chaud, tu seras bien mieux sans ça. Pris au dépourvu et le regard fixé sur le jeu, Gauthier ne réagit pas. Le moustachu s'arrête. « Alors Gauthier, tu sais où se trouve la balle ?» Hésitant, comme ça fait longtemps qu'il n'avait pas hésité, Gauthier désigne le gobelet de droite. Le gérant le soulève. « Yes ! Bravo, fiston ! T'es un crack !» Gauthier éprouve une fierté qu'il avait oubliée. Son grand-père lui attrape la main et l'entraîne dans le train fantôme. Zombies, démons et loups-garous surgissent de partout. Gauthier est terrorisé. S'il est surpris une fois encore, son cœur va lâcher. Vite, il a besoin de savoir ce qui va se passer. Il sort les lunettes de sa poche, mais Papy Surprise réagit au quart de tour. « Attends, je vais t'aider à les mettre. » Malheureusement, en voulant les prendre, le vieux maladroit les fait tomber du train. Par chance, un vampire resté derrière les ramasse. « Le rend à la fin !» Pelotonné contre son papy, Gauthier frissonne. De ce genre de frisson qui, quand on y prête attention, procure bonheur et amusement. À la sortie, le vampire lui tend ses lunettes en lui décochant un sourire effrayant. « Ça te dirait d'aller voir un film maintenant. Il y a le dernier Mission Super Pouvoir qui passe. »« Ah oui, c'est mon dessin animé préféré. » Dans la salle, le suspense est à son comble. Les héros sont pris au piège par le terrible docteur mortel et ils ne savent pas comment s'en tirer. Gauthier attrape ses binocles et les pose sur son nez. Mais il ne voit rien. Quand il les retire pour comprendre ce qui cloche, il remarque qu'il s'agit de bêtes lunettes de soleil. À côté de lui, Papy Surprise se retient d'éclater de rire. Gauthier commence à y voir clair dans le jeu de son grand-père. À la fin de la séance, le garçon veut lui demander où son trésor est caché. Mais dans sa précipitation, il bouscule une fille de son âge. « Oh, Clémence ! Mais si, Clémence ! Son amoureuse secrète !»« Je suis désolé, je... » Ah, t'as été voir Mission Super Pouvoir ?»« Oui. » »« T'as vu la scène avec Docteur Mortel, c'était fou !»« Carrément, je savais pas comment ils allaient faire. »« On en reparle demain à l'école ?»« Ah bah, oui, d'accord. » La fillette lui fait un sourire à tomber par terre et s'en va. Des papillons plein le ventre, Gauthier se laisse porter jusqu'à la maison de son pépé. « Alors cette journée, qu'en as-tu pensé ?» Gauthier se remémore l'excitation, les frissons et la joie. « C'était la meilleure journée que j'ai passée depuis bien longtemps !» Délicatement, le vieil homme pose les lunettes de l'avenir sur la table. Gauthier veut parler, mais la sonnette l'en empêche. « Ce doit être ta maman. Je vais lui ouvrir. En attendant, tu peux penser à ce que tu vas faire de ça. » Quelques minutes plus tard, Gauthier embrasse son grand-père et grimpe dans la voiture de sa mère. Caché dans le coffre, Justine bondit derrière lui. Le garçon hurle de peur, puis éclate de rire. Papy Surprise les regarde s'éloigner avant de gravir les marches menant à son grenier. Il cherche l'ancienne malle de cuir et soulève le couvercle. Parmi tout un tas de babioles, les lunettes ont retrouvé leur place. Voilà, l'histoire est finie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en m'envoyant un message vocal avec vos parents par Instagram ou par mail à l'adresse hello@telming.com. hello@telming.com. Et si vous avez une idée d'histoire qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à me la partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.